Voici votre butin régional. Dès 19h30 le 9 juillet, dans le cadre des concerts de la gare, à East Angus, le groupe Les Billy Fontaine vous fera swinguer au rythme de la musique traditionnelle. Le 10 juillet à 20h30, projection extérieure gratuite du film Une nuit au musée, le secret du tombeau, au parc Nicole, au 186 rue Saint-François, East Angus. En cas de pluie, à l'intérieur du bâtiment du parc. C'est un autre rendez-vous pour la tire de chevaux organisée en partenariat avec le Club de fer à cheval du Québec à la salle des loisirs de Saint-Isidore de Clifton, 36 rue principale, le 11 juillet à 16h. Information auprès de Jacques Labranche au 819-658-3448 ou au 819-829-0947. Événement skate au parc Nicole de East Angus de 11h à 16h le 11 juillet. Vente de hot dogs à 1$ chacun de 11 à 14h. Information 819-560-8600 poste 2405, Nicolas Galipo 819-943-3843. Le Saint-Café de Scoston ouvrira ses portes tous les samedis soirs jusqu'à 22h à compter du 11 juillet. À l'exception des soirs de spectacle, vous pourrez apporter votre jeu préféré, Scrabble, Toc, 500 ou autre. Une marque de bière ou de vin sera offerte à prix spécial lors de ces soirées ludiques. Aucun repas ne sera servi en soirée que des croustilles, du café et l'alcool.